Voici le bulletin de sport local et régional de l'édition du 14 avril. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de la série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec le gardien de but, Samuel Harvey. Samuel Harvey qui s'attend évidemment à rebondir suite à sa contre-performance du match de mercredi. Et dans un premier temps, par contre, il mentionne que ce match-là ne rentrera pas dans la tête des gardiens de but. Oui, ça peut être bénéfique d'un certain sens. Puis, mais il faut garder en tête qu'une série, là, que tu perdes 6-1 ou que tu perdes 2-1 en prolongation, tu as perdu le match pareil. Fait que peu importe, tu passes à autre chose. Puis, c'est important de se concentrer sur le prochain match puis pas rester dans le passé. Fait que je pense que ça va être ça là, pour le but du gardien qui va jouer demain. Et dans un deuxième temps, Samuel Harvey mentionne que et c'est quand même une défaite qui pourrait faire en sorte que les Huskies vont se ramener au plan de match qui leur a donné la victoire lors de la troisième rencontre. Ouais, mais tu sais, encore là, je pense que quand on a perdu 6-1 hier, peut-être qu'on s'est éloigné un petit peu trop du plan de match. Fait que, ouais. Je pense que d'un autre côté, avoir bien joué hier, ça a été bénéfique aussi. Là, fait que, je pense qu'il y a deux côtés à la médaille. Puis hier, on a perdu par un gros score. C'est nous autres de s'ajuster puis d'arriver près demain. OK. Et Samuel Harvey confirme évidemment que ça fait spécial d'affronter les Saguenayens de Chicoutimi en finale, puisque Samuel Harvey vient de la région, il vient d'Alma. C'est sûr que ça fait un petit peu spécial. C'est sûr qu'on a de la famille dans les Australes, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tiennent pour leur équipe. Puis tu sais, on se fait crier notre nom, puis ça devient un peu bizarre, là, mais c'est pas grave. Les partisans ici, ils veulent que leur équipe gagne, puis peu importe c'est qui les joueurs adverses, ben c'est pas sûr qu'ils vont nous laisser laisser des cadeaux, là. Fait que dans un sens, c'est juste normal, puis c'est pas un dérangement pour nous autres, puis on comprend ça aussi, puis il y a quand même du monde qui sont en arrière de nous autres et notre famille, puis tout ça. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a également parlé avec David Boudreau, l'instructeur chef du Marcos Pop de Saint-Félicien. Encore une fois, cette année, les Marcos Pop seront les représentants de la région à la Coupe Dodge, mais il a mentionné que ça a quand même pas été facile contre les Marquis de Jonquière en finale de la Ligue Midget régionale. Ils ont gagné 5-4 pour prendre les devants 1-0. On allait gagner les Marquis chez eux 3-2. On perdait 2-1 à moins de 3 minutes de la fin du match. On a marqué 2 buts pour aller égaliser la série. Je pense que c'est vraiment un match important pour nous. On est revenu chez nous 5-0. On est retourné chez eux. On a perdu 5-0. Ouais. Puis c'est le cinquième match ici à domicile. Là, on a gagné 9-1. Là, mais comme encore là, c'était 3-1 après 2. Puis le quatrième but en début de troisième a fait mal aux Marquis. Puis après ça, ben les Marquis, ils jouaient plus au hockey, vraiment, là. Ils se concentraient pour le prochain match. Puis le dernier match, le sixième à Jonquière, là, ils ont fait toute une opposition. Ils ont dominé les tirs au but 44-37. On a gagné en prolongation, mais c'est tout qu'un match de hockey. Honnêtement, là, c'est un des plus beaux matchs de ma vie que j'ai coaché midi 2B là, pour les deux équipes. Là. C'était intense, ça n'avait pas de coup de cochon. Ça jouait du hockey, c'était super beau à voir. OK. Et le Marcos Pop aborde leur participation cette année avec beaucoup de confiance. Bien, on part confiant, c'est sûr et certain. Mais là encore, là, quand on regarde les équipes qui sont classées pour la Coupe d'Orge, bien, des 1 à 7, tout le monde est là. Okay. Et la classe numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que la 10 est là, la 11, la 12. Fait que c'est toutes les meilleures de toutes les régions. Donc, je m'attends à une Coupe d'Orge très relevée, très serrée. Puis c'est un match, c'est pas une série 3-5 ou un 4-7, là. C'est un match. Il faut être à notre maximum à tous les matchs, être bien préparé. Hockey scolaire, hier, il y avait un tournoi qui se déroulait à l'Arena Mistook dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Et c'était du hockey scolaire sans contact. Et en division 3B, la polyvalente de Normandie a défendu en grande finale la polyvalente de Roberval par le compte de 4-3. Vincent Giguère pour la polyvalente de Normandin et Antoine Niquette pour la polyvalente de Roberval ont été les joueurs du match. Et en division 3 également, gain de 4-1 de la polyvalente de Saint-Félicien contre la polyvalente d'Arvida. Alex Morancier était le joueur par excellence pour Saint-Félicien. Maintenant, on sait que les sports d'été s'en viennent à grands pas et l'inscription pour la Ligue de Balland de Roberval va commencer bientôt. Et vous avez jusqu'au 5 mai pour vous inscrire. Il y aura deux parties par semaine, le mardi et le jeudi. Et les séries auront lieu à la fin du mois d'août. Donc, pour information et inscription, vous pouvez contacter Jonathan Thibault au 418-321-1072, 418-321-1072. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Jean Gounel de RDS, de la candidature du Canada, du Mexique et des États-Unis à la Coupe du monde de soccer. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe canadienne. David Boudreau vient de parler du Marcos Pob de Saint-Félicien et le gardien de but Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda vient nous parler du match de ce soir entre les Saguenay et les Huskies. On sait que les Saguenay vont manquer Joey Ratel qui a été suspendu pour une rencontre. Le sport local et régional, antenneradiosport.com, on s'en occupe.